L'affiche barre le trottoir. Une jeune femme, de dos. On voit son sac et ses cheveux longs. En arrière-plan, trois hommes avec des fusils. « Devenez ce que vous êtes !» clame le slogan à la McDo. La chair à canon se recrute aussi dans le quartier. L'affiche est apparue ce matin, comme sur tous les abribus. C'est la campagne du moment. L'arrêt Villebois-Mareuil du bus 235 n'y échappe pas. Il est tout neuf cet arrêt. Il a été remplacé quand la rue Jean-Perrin a été refaite. Le banc en fer est rutilant. Assise, une maman surveille du coin de l'œil ses deux enfants. Ah, le dilemme quand on attend le bus comme ça avec les enfants. Est-ce qu'on les laisse jouer et tourner autour de l'abri? Ou est-ce qu'on les garde près de soi? Des fois que le bus arrive tout à coup et qu'il faille les récupérer précipitamment. C'est un peu l'aventure, le bus avec les enfants. Et puis quand on monte, ils veulent valider leur ticket eux-mêmes. Il y avait un bac à fleurs à côté de l'arrêt. Il a été détruit il y a 5 jours, probablement par la pelleteuse qui trône à proximité, sur l'asphalte râpé, prêt à accueillir le revêtement lisse, anti-bruit, promis pour la rénovation de la rue. Il faut que je prévienne la maman. Mais elle doit être au courant, et c'est quand même plus reposant de pouvoir s'asseoir. Oh mince, elle me regarde. Je ne la cherchais pas du regard, je cherche l'affichette pour vérifier qu'elle est là. Je regarde mes pieds, voilà. Je passe pour un pervers qui se rince l'œil. Il faut que je lève l'ambiguïté. Mais je vais pas traverser juste pour ça. Puis je dirais quoi? Excusez-moi madame, je ne vous regardais pas, mais je me demandais s'il y avait une affichette sur l'arrêt. Enfin, vous devez être au courant. Vous habitez le quartier? Vous habitez le quartier? La phrase la plus salace du monde. Non, il faut pas que je l'aborde comme ça. Puis je dois pas l'aborder du tout. Je vais juste m'enquérir de... Autour de l'arrêt de bus, l'asphalte neuf, recouvert de poussière claire, imprime les traces de la poursuite qui a lieu devant moi. L'enjeu est important. Les deux enfants ne se laissent pas approcher l'un de l'autre. Ils s'essoufflent, mais restent concentrés, l'œil vif, aux aguets, prêts à bondir au dernier moment et à partir en sprint sur 10 mètres. Voilà, bonjour madame. Ça fait bien de commencer comme ça. Ou alors, excusez-moi. Ah oui ? Excusez-moi madame. Vous attendez le bus ? Comme ça, je suis poli, mais je vais directement au but. Je ne laisse pas l'inconfort s'installer. Ouais, mais après, de quoi je me mêle? J'ai pas à savoir ce que font les gens dans la rue. Je ferais mieux de continuer à marcher. De toute façon, j'ai bientôt dépassé l'arrêt du 235. Et je risque quoi, après tout? Elle me dira quoi? Non, on attend la petite qui rentre du pain ou un truc comme ça, si elle attend pas le bus. Et si elle attend le bus, là, elle sera contente d'avoir l'information, savoir que le bus 235 ne passe plus depuis des années, à cet arrêt tout neuf, ça peut l'intéresser. L'arrêt Villebois-Mareuil, comme tous ceux du quartier, n'est plus desservi, comme dit la RATP. L'ancien abribus du 235 est maintenant un abri-pluie, un abri-jeu, un abri-ombre, un abri-téléphonique, un abri-rendez-vous du soir, et surtout, un abri-pub. Je devrais lui dire. Viens, mon cœur. Viens là, coucou.